Du cul, de la drogue, de la mort. Cette semaine, on a maté Hunter the Void et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Hunter the Void de Gaspard Noé. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie, bonsoir. Bonsoir. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Et enfin Greg, salut Greg, bonsoir. Ça va Greg? Bonsoir. Ah oui, ça va, non, je suis content, je dis bonsoir. Comment tu vas T'es Antoine? Bah ouais. Je suis malade. Cette semaine, on parle de Hunter the Void de Gaspard Noé, sorti en 2010, de 161 minutes version normale ou 143 minutes version que je n'ai pas vue, avec Nathaniel Brown et Paz de la Huerta. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Bah voilà, maintenant vous en souvenez. Direct, on voit que c'est du Gaspard Noé. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Je vais commencer par Julie. J'appréhendais parce que j'avais... Parce que tu savais que j'aimais bien? Déjà. Ça, ouais. Non, mais parce que j'avais pas du tout tenu pour Irréversible, mais j'avais bien aimé Love quand même. Et donc, j'appréhendais par la longueur de ce film et par son contenu. Et je trouve que c'est quand même... un film de qualité, même si je le trouvais quand même très très long. Et je reconnais une très belle mise en scène et quelque chose d'intéressant dans ce film, mais il y a un moment, j'ai... Tu parles vraiment comme une pro, parce que à mon avis, tu vas nous entendre, ça va pas ressembler à ça. moi, je me suis ennuyé. J'ai rien compris. J'ai rien compris, film. Disons, j'ai trouvé ça intéressant et je trouve que c'est plus une expérience cinématographique qu'un film. Voilà. Mickaël. Eh ben écoute, moi déjà, je suis allé à la bibliothèque, alors j'ai été emmerdé. Alors le problème. Ouais, dans la jaquette du DVD, il y avait de la DMT, quoi. Non, mais tu rigoles, mais ils m'ont filé un jeu vidéo, c'est qu'on peut pas jouer. J'ai essayé, j'ai branché ma manette, impossible de contrôler le personnage. J'appuie sur Start, il se passe rien. Il peut rien faire, il s'est fait tuer, puis une fois qu'il est mort, game over. Game over, impossible de recommencer. Et ça recommençait en boucle. Impossible d'éviter le camion, là. J'ai essayé trois fois. Et je me fais toujours tuer dans les toilettes à la scène du début, dans le premier niveau. J'ai regardé les solus sur l'internet. Impossible. Les trucs et astuces. Et toi, Greg? Je suis plutôt d'accord avec Julie en fait. Oh là là. Moi, j'ai quand même un avis en dehors des conneries que je raconte. C'est vrai. Ouais. En fait, je crois que, alors, écoutez bien parce que je pense que c'est peut-être une des seules fois que je le dis dans ce podcast. J'ai adoré Hunter the Void. Vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup l'a priori également parce que j'avais pas du tout aimé Seul contre tous, que j'avais vu il y a très longtemps. Ah, Seul contre tous, c'est bien. Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Premier film, ouais. Moi, j'ai trouvé ça un peu trop violence gratuite, donc je me suis dit, Gaspard Noé, ça va être. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. J'ai adoré. Et pour le coup, les 2h30 sont passés plutôt vite. 2h30, c'est long. 2h41, hein. Greg. Ouais, 2h41. Ouais, c'est ce que je dis. Moi, je suis d'accord avec Julie. En fait, j'aime bien. J'aime bien. Après, c'est un peu long, quoi. Alors. Moi, j'ai pas de patience. Donc, évidemment, j'avais déjà pas regardé un film à 1h30. Alors, tu te rends compte, 2h40. Bon, heureusement que c'est Gaspard Noé. Sinon, je les tiens pas, quoi. Moi, j'avais jamais vu aucun film de Gaspard Noé. Je suis plus Spielberg, Mickey. non, j'en avais jamais vu aucun. J'appréhendais vraiment à mort. Alors déjà j'ai commencé par faire une crise d'épilepsie, je me suis fait hospitaliser pendant 2 semaines. Ça c'est normal. Hein. Alors j'ai trouvé la première heure et demie de ce film vraiment canon. Enfin en fait tout ce qui concerne le frère, sa mort, le retour et tout, j'ai trouvé ça hallucinant, vraiment très très bien. Ouais. Et je me suis dit putain ça s'arrête là, j'ai vu un chef-d'œuvre. Et alors la dernière heure, j'ai totalement décroché. C'est T'as des transitions entre les scènes qui durent 3 minutes pour des scènes de 20 secondes et il ne va rien et ça va durer une heure et au bout d'un moment je fais mais il faut que ça s'arrête, il faut vraiment que ça s'arrête ouais, c'est un parce que malheureusement moi j'ai pas pris de drogue, j'en prends plus là. et donc ça m'a stressé, j'avais trop envie d'en prendre. Non mais sérieusement je pense que c'est clairement un film qui a de la plus-value si tu prends de la drogue en le regardant. Ouais, enfin, je pense que tu si t'es bien défoncé, tu dois kiffer. Mais là moi à la fin, j'étais là, je suis non mais mec, moi j'ai pas pris de drogue et là c'est infernal ce que je suis en train de voir, ça s'arrête pas. C'est vrai, mais c'est pour ça que tu as bien aimé, je pense, Craig. Du coup, oui. Enfin, moi, je trouve effectivement qu'il y a quelques scènes qui mériteraient peut-être d'être coupées à la fin, surtout l'espèce de résurrection qui est un peu bizarre là. Enfin, vous avez vu la même. Hein. Oui. Ouais. Et ça, pour le coup, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bizarrement, moi, jusqu'à la fin, en fait, j'ai quand même plutôt plané. Enfin, c'est plutôt un voyage cinématographique en effet, et du coup, j'ai trouvé ça. Ah, mais c'est le but, hein. De toute façon, c'est annoncé. Tu sais ce que tu vas voir. Il y a des plans de ouf en plus. Enfin, il y a des trucs, tu sais pas comment ils les filment. Enfin, il y a des cadrages et tout. Enfin, c'est assez impressionnant, moi, je trouve quand même. Le film s'ouvre sur le générique sans doute le plus agressif que j'ai vu de ma vie. Exactement. Oui. Ouais. D'ailleurs, il faut savoir que Gaspard Noé, il fait ça depuis toujours, en fait, les trucs avec les flashs et tout. Ouais, déjà, seul contre tous. Et de seul contre tous, c'est vieux. On va faire une vraie mission de ciné, en fait. Ou quoi, moi, j'ai une question. Est-ce que tu l'as regardé en accéléré, ce film? Là, t'as dû faire une crise d'épilepsie ou alors ça perd un point à chaque œil. Hein. Non, mais ouais, je t'avoue que des larmes de sang sur tes joues. Des fois, quand il y a des kaléidoscopes qui durent 3 heures, au bout d'un moment, tu dis bon, allez, vas-y, accélère un peu. Moi, je suis à la deuxième, là. Le générique fait 10 secondes. Ah, il fait 4 minutes. Non, il est très court. Et le seul nom qu'on voit, c'est Gaspard Noé, quoi. Parce que les autres, c'est impossible de lire. Attends, mais j'ai pas vu le nom. Il est hyper long. 10 secondes, le nom, il dure 4 minutes, le générique. T'es fou, quoi. Non, mais ça bombarde. Enfin, je veux dire, ça va très vite. Mais ça dure pas 10 secondes, ça dure 4 minutes, mais ça bombarde pendant 4 minutes. Mais c'est vrai qu'il est un peu mégalo, lui, quand même. Parce que tu vois, il y a toujours des mecs dans ses films, il y a toujours des mecs qui s'appellent Gaspard ou Noé et tout. Non, mais c'est vrai. À chaque fois, le MoMA, bah, tu vas l'appeler comment? Bah, je vais l'appeler Gaspard. Je dis, attends, mais mec, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment. Dans Love, il y a la même chose. Ouais, dans Love aussi, ouais. Mais le bébé, il s'appelle Gaspard. De toute façon, c'est un canne, oui. De toute façon, tu sens vraiment qu'il. Tu sens qu'il fait un peu sa psychothérapie dans son film, hein, quand même. Ouais, en plus, il est pas tout net, donc voilà ce que ça donne, quoi. C'est ça, quoi. Donc, le film. Non, mais c'est bien, moi, je trouve ça bien. Alors. Quelqu'un résume, s'il vous plaît, ce film. Ah, oula, bah c'est l'histoire d'un mec complètement. Non, Mickaël, non. Si, attends, laisse-le tenter sa chance. Oui, Mickaël. À chaque fois, il tente. Mickaël, je te viendrai en aide si tu as besoin. Ah, merci, Julie, ça me fait plaisir. Voilà. Ça m'a droit. On n'en aura pas besoin, hein, Mickaël. Allez. Non. C'est un mec qui est complètement camé, qui prend différentes drogues, hein, du coup. Et il doit ramener de la dope. Ça commence très mal. Il doit ramener de la dope à un de ses potes, Victor. Bon, il se tape la mère d'ailleurs, on verra ça un peu plus tard dans le film. Et il arrive dans la boîte, en fait, Victor, comme il se tape sa mère, il n'est pas content. Alors il lui tend un piège, il ramène les flics, et du coup. Mais à chaque fois, tu racontes la première scène, tu ne racontes pas l'histoire là. Bah non, parce que je dis qu'il se tape sa mère, on le voit bien plus tard ça. Ouais, Antoine. Et du coup, il se retrouve dans les chiottes, il se fait buter par les flics, et là, il voit toute sa vie défiler depuis le début. Jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, toute sa vie, c'est les ouais, c'est deux derniers mois. Tu vois, c'est tu vois un peu son enfance. Puisque, c'est des mini flashbacks hein, par rapport à. Ouais, enfin, le flashback de l'accident de voiture, il revient plusieurs fois quand même. En gros, c'est un mec qui deal de la drogue, qui vit à Tokyo avec sa sœur et qui se fait buter. Et en gros, qui revoit sa vie défiler sous ses yeux. Enfin, il a une espèce d'aura qui flotte autour des gens qui restent. Il voit toute sa vie avant et il voit un peu ce qui se passe après sa mort aussi. Voilà. En une phrase. Voilà. Oui. C'était faisable en une phrase, c'est ce que vous voulez montrer. Voilà. Donc ce fameux jeune homme qui est quand même ça, un peu camé, un peu moins que dans Requiem for a Dream, mais il est quand même un petit peu toxico. Déjà il a bien choisi son appartement hein, puisque ça clignote de toutes les couleurs en néon, je sais pas comment le mec arrive à dormir quoi. Ouais, je vais prendre celui-là là, c'est pas mal quoi, juste au-dessus de l'hôtel, ça clignote de ouf. J'ai jamais été à Tokyo mais c'est vrai que ça rappelle un peu la forêt d'Avatar là pour le coup. C'est clair. Et ensuite, il va s'envoyer une drogue, je sais pas bien ce que c'est. Greg, est-ce que t'en sais plus? DMT, ouais, je me suis renseigné, c'est. DMT, c'est un méga. Tu t'es renseigné. Ouais. T'as essayé, je savais pas. C'est un méga hallucinogène, quoi. Ouais, j'ai regardé, ouais, c'est des trips de 6 minutes. J'ai jamais fait DMT. Contrairement à toutes les autres. De 6 minutes, c'est très précis, disons. Ouais, c'est des trips de 4 minutes et 35 secondes. Il explique dans le film, ouais. Ah bon? Ouais. Il dit que globalement, le temps te paraît tiré. Et on va, nous, on va s'en taper un, puisqu'il va nous montrer 6 minutes de kaléidoscope au début, quoi. Ouais. Ah non, mais ça, c'est parce qu'il est chercheur dans un laboratoire et qu'il regarde des trucs au microscope. C'est pour ça, ça n'a rien à voir. Et moi, ça m'a rappelé des souvenirs, parce que quand j'étais allé au Futuroscope avec ma mère il y a longtemps maintenant. Parce que c'est... Déjà, on s'était fait un bon petit buvard avec ma mère avant d'aller au cinéma dynamique. Non, mais c'est surtout qu'à la boutique souvenirs, on m'avait acheté un kaléidoscope. Et le kaléidoscope, c'est vraiment le truc où dans la boutique souvenir, tu fais putain, c'est mortel. Et toi qui est chez toi, tu fais mais ça sert à quoi finalement? Parce que c'est nul. Il y avait déjà des jeux vidéo à l'époque. Donc tu allais au Futuroscope quand tu étais enfant. Il commence par se faire. Alors que nous, on allait à Disney, c'était quand même vachement mieux. Eh ben, je n'étais pas un fils de riche. D'accord, c'était riche. Moi, j'allais à Poitiers. Et je suis même allé à l'aquarium de Touraine en revenant. Le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe, attention. Donc il commence. J'avais fait le musée du papier peint, ça. Sa sœur se barre parce qu'elle va bosser dans la boîte de strip. Et lui, bah, vu qu'il est tout seul, bah, il se dit vas-y, je vais me faire une petite pipe de DMT, là, tranquillou. Donc il est 14h à peu près, hein, 15h, je sais pas. Et ça a des conséquences puisque nous, on se tape vraiment 6 minutes de DMT, quoi. De kaléidoscope, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que. Donc il est sur son plumard et au bout d'un moment, bah, il se réveille parce que son téléphone sonne. Et non seulement il se tape des putains d'alu kaléidoscope dans la rue, c'est kaléidoscope et néon, et en plus son téléphone il fait des lumières de dingo, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il se laisse aucune chance le gars. Au bout d'un moment, même quand t'as un truc réel, et ben, t'as l'impression de triper quoi. C'est compliqué. Quoi. Au moment de régler le téléphone, il fait j'aimerais bien trouver un truc avec pas mal de couleurs. Ça me rappellera bien. Ensuite, il y a son pote Alex qui arrive. Moi, je trouve ça assez cool. Son pote, il est cool. Et, bon, enfin, il est cool son pote, il est trop bien cet acteur. Il a pas l'air acteur d'ailleurs, parce que je l'ai googlé et il se passe rien. Ah ouais, y a rien. Bah après j'avais pas internet. Bon, moi il me fait penser à Sébastien Tellier parce que le mec il se défonce et tout, mais il est quand même un peu cool quoi, tu vois. Ah non mais il y a un côté je suis désolé, il y a un côté French Touch. Non mais ce mec là on dirait un artiste électro en fait, il a un accent français, il a l'air totalement débranché. Ouais, ça se trouve en fait, je dis ça se trouve c'est un artiste peintre visiblement parce qu'il fait de la peinture dans le film. Et donc ce que je trouve cool dans celui-là, contrairement à tous les autres films qu'on a fait avant, c'est que t'as quand même enfin c'est ultra réel, tu vois. T'as pas de truc pas cohérent, bon, à part le fait qu'il trippe et qu'on suive tout son trip. Le fait quand même qu'il se fasse buter dans les chiottes de Tokyo par soi-disant des flics alors qu'il n'est pas arménien. Bon, pardon, excusez-moi, je m'avance, mais c'est pas très cohérent pour moi. Non, rigole juste pas quelques détails. Sa sœur, au début, il l'amène sur le balcon, il lui dit tiens, j'aimerais bien être dans cet avion pour voir Tokyo de haut. Et elle fait ah non, j'aurais peur de m'écraser, hein, alors qu'elle a pris l'avion pour venir. D'accord, on est d'accord. On est d'accord. T'as raison. Et j'ajouterais que sa sœur, elle, quand tu lui dis, t'aimerais pas voir Tokyo de haut, sa première réponse c'est, ah non, j'aurais peur de tomber et mourir, et que plus tard dans le film, il lui fait, ça te dit de prendre de la drogue et qu'elle fait, attends, mais tu dérailles ou quoi? Bah, attends, mais là, elle est pas camée jusqu'à la moelle pour répondre ça. Deuxième incohérence. Elle va sur le balcon. Elle lui dit, dis donc, ça caille ce soir, qu'elle lui dit. Et le soir après, elle se rend nuisette. Alors, tu dis quoi de ça? T'as raison. Ouais, non, mais c'est vrai que des fois, t'as des préparations paiement qui sont un peu grosses quand même. Mais après, c'est réaliste. Tu sais, t'es pas obligé d'employer ce terme. Ouais, je l'aime bien maintenant. Moi, je veux. Ouais, bon, bah vas-y. Et donc, la préparation paiement suivante. Là, c'est pareil, elle est pas cohérente, mais bon. Donc, avec son pote Alex. Bon, Alex, c'est un débranle, hein, et il veut clairement se taper sa sœur. C'est-à-dire que c'est tout à fait c'est officiel, pas... c'est limite qu'il lui dit, quoi. Heureusement que c'est pas Tony Montana, parce qu'il se serait fait buter au bout de 2 minutes. Ouais, il lui dit clairement, il aime bien sa sœur. Mais la sœur, elle aime bien, en plus, lui. On le voit plus tard, bah oui. Elle... Bah, la sœur, elle a l'air d'aimer tout le monde, hein, quand même, hein, globalement. Ouais, donc, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais elle est quand même un peu. Après, c'est vrai que. Bon, alors. Un peu olé-olé. Hein, ouais, elle est drôlement olé-olé. On comprend vite la situation, les deux mômes sont orphelins, en fait. Et bon, bah, il y en a une qui est stripteaseuse et l'autre qui est complètement dopée. On sait pas comment ils arrivent à Tokyo. Bon, en tout cas, c'est pas hyper, c'est un peu glauque quand même. C'est pas hyper c'est clean, un peu glauque, quoi. Ouais. De toute façon, je pense que glauque, c'est clairement le mot qui définit un peu ce film. Hein. Et puis qui définit Gaspard Noé, en fait. Moi, j'aurais dit japonais. Ou nippon. Et d'ailleurs, Gaspard Noé, il est pas pressenti pour le prochain Disney, non, du coup? Ouais, je crois. C'est sûr. Et alors là, il décide d'aller au Void parce que faut qu'il file de la cam à Victor. Mais tout le trajet est cool avec son pote là. Ça, ouais, c'est... ça c'est assez cool. Ouais. Mais en vrai, il se passe quand même 40 minutes de film quasiment là, jusqu'à temps qu'il arrive au Void quoi. J'ai fait les extraits sonores. Ouais. Il meurt, il se prend la balle. C'est assez tôt, non? À 40 minutes de film. À 40 minutes. Ouais. Putain, j'ai l'impression. Mais c'est 40 minutes là, il a pas. C'est 40 minutes de bonheur quoi. Enfin bonheur peut-être pas, mais ça c'est vraiment bien. Et alors, il va au Void. Et alors, c'est virement choco, cache pistache au début du film. Mais bon, 40 minutes quand même. Parce que son pote Victor, qui a 13 ans d'ailleurs, je trouvais le casting un peu bizarre, tu sais, il a 12 ans, qu'est-ce qu'il fout à traîner avec un gosse là. Ouais, je sais pas, bah, tu peux m'expliquer ça, Greg? Bah, je t'explique, ils vendent la dope, il n'y a pas beaucoup de mecs qui parlent anglais, voilà, il s'est trouvé un pote quoi. Ouais, c'est vrai. Et alors là, il y a la police qui arrive, c'était un piège, c'était un guet-apens. Il va vite aux toilettes pour vider la drogue dans les chiottes. Dans les chiottes. Ça, c'est dans tous les films de drogue. Hein. Ouais, mais là, la chasse d'eau ne fonctionne pas. Ça, c'est dans tous les films de drogue aussi. et alors là, il se prend une bastos, comme dans tous les films de drogue. La police de Tokyo, elle plaisante pas. Hein. Non, c'est-à-dire qu'il y a une petite porte de verre en bois, ils n'arrivent pas à la casser. Bam, ils tirent dans la porte pour tuer le gars, quoi. Ouais. C'est quand même un peu extrême. Très peu plausible, j'ai envie de vous dire, quand même. Bah ouais. Les Japonais, ils ont d'autres lois. Hein. Ouais, tu rigoles pas au Japon avec la dope. Hein. Et bah ouais, en fait là c'était 40 minutes et c'est déjà la deuxième partie du film, c'est-à-dire le trip. Ouais, donc en fait, lui il est encore un petit peu sous dope et c'est-à-dire qu'il va vivre sa mort. Attends, alors pour la préparation paiement, il y a le pote Victor qui lui dit t'as lu le livre des morts tibétains et tout parce que quand tu meurs, bah tu vas revivre toutes les expériences de ta vie que t'as vécu. Et donc là, bah c'est ce qu'on va se taper pendant les deux heures qui restent en fait. Quoi. Et surtout, il lui dit que non, pas deux heures, pendant une heure et demie et après ça, il y a ce qui se passe après sa mort. Ouais. Non mais même ce qui se passe après sa mort, tu le vois directement après qu'il meurt. Hein. Oui oui, ouais, ça se mélange. Ah, bah, ça se mélange. En gros, dans le livre des Tibétains là, il lui explique aussi que ton âme elle reste bloquée en gros si tu veux pas partir. Enfin c'est pas ça qu'il lui explique en. Ouais, en fait, il faut quand même. Putain, moi j'ai raté tout ça, je suis parti pisser quand on expliquait le bouquin. Là. Ah bon, j'ai cru que c'était un flashback, je me suis dit c'est pas mal ce procédé de revenir en arrière. Alors, en fait, non, mais il faut expliquer qu'en fait, à partir du moment où tu meurs, donc d'après le livre tibétain, et c'est ce qui va être mis en application dans le film, en fait ton esprit part de ton corps et après tu peux grosso modo aller où tu veux. Oui, c'est ça. Bon, l'avantage c'est que tu peux faire un ciné gratos où tu peux aller voir tes artistes préférés gratuitement. Ou tu peux prendre le corps d'un mec pour taper ta Et alors, du coup, ça veut dire qu'il peut aller où il veut. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui se passe. Non, mais attendez, je suis pas folle. Ah ouais, peut-être un Bah si, si. Quand donc il meurt et il y a son pote Alex qui essaye d'appeler sa sœur plusieurs fois et sa sœur elle est en train. Mais bien sûr, et sa sœur elle est en train. Je viens de comprendre un truc. Il baisse sa sœur, mais non. C'est clairement mis en scène comme ça. Oui, au début, tu vois que l'âme elle regarde et finalement elle rentre un peu dans le corps du mec sur la fin du truc quoi. Oui. Je connais pas bien les procédés d'au-delà. Si vraiment t'intègres le corps de l'autre personne ou si tu vois au-dessus, tu vois. Moi là, je suis pas. Je sais pas si dans la nouvelle édition de la Bible. La Bible des morts tibétains. La Bible des tibétains. Alors déjà, quand t'es une âme et que tu meurs, tu te tapes 3 minutes de l'épisode 38 de Pokémon, là, celui qui clignote et qui a filé des crises d'épilepsie à tous les gamins, là. Et c'est un clignotement. Alors je peux vous dire, si jamais un jour vous voulez tester l'épilepsie sur votre gosse, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous vous alternez très rapidement du bleu très bleu et du rouge très rouge. Très, ça fait un truc de malade. Hein, et ça, tu le maintiens, ta. Normalement, si votre gosse, au bout d'une minute, il va commencer à baver la tête en arrière, c'est que ça a fonctionné. Et alors là, ensuite, on va au Sex Money Power. Tu sais que moi, j'ai regardé le film avec une cuillère en bois, hein, parce que je commençais à avaler ma langue. T'as vraiment des méthodes de grand-mère, tu vois. Des méthodes de grand-mère. Et alors là, au Sex Money Power, c'est là où ils font la chose. Ouais. Ouais, et ils vont faire la chose quand même. Ah bah oui, il se fait déglinguer. Excusez-moi. Oula, mais ça va toi. Attends, comment tu parles toi. Non, ça va, quand tu parles de sa sœur. T'es folle. Elle est dingue celle-là. J'aimerais qu'on fasse un point chose, alors pas pour tout le film, mais là j'ai trouvé que c'était quand même une baise un peu nulle. Oui, ouais, toi, tu veux qu'on débatte là-dessus? Moi je mets une note à 5 sur 10, c'est pas génial. Non, mais pourquoi tu trouves que c'est une baise nulle? Bah, je sais pas, c'était pas trop confort là sur le canapé et tout. Que le gros Jack qui s'appelle Mario. Comment? Tu fais toujours ça dans ton petit lit avec les couvertures. Dans un lit à 21h30 le lundi. il se balade avec son âme et il va au-dessus de sa sœur, et sa sœur avec le Mario, là, en fait, mais déjà, l'autre, il dit rien, sa sœur, elle bosse dans un club de strip et elle sort avec le patron d'un club de strip. Ah, lui, franchement, c'est un bon. En même temps, il deal de la drogue à toutes les stripteaseuses, donc j'ai envie de te dire, il a mal placé pour donner des leçons, quoi. Ouais, qu'il a mal tourné. Et donc, elle va apprendre au téléphone sa mort. Il y a des trucs à filer à Victor, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu un coup de feu. Victor a dit qu'ils l'ont buté. Faut que t'ailles là-bas, désolé. J'attendais Oscar dehors, je sais pas plus. J'ai des trucs au cul maintenant, je te rappelle. Ah. Bad Trip 2000. Ouais, Bad Trip de 2h40 hein, quand même. Donc du coup, elle est un peu triste, et c'est là où vraiment on revient sur son enfance à ce moment-là. Là, on a le vrai flashback, et effectivement, on revient sur le clip de promo vacances là avec les kids, parce que ils sont en vacances, ils sont machin et tout, pour vraiment que tu te prennes l'accident en jumpscare quoi. Bah, en fait, ouais, ils montrent qu'ils avaient une enfance idyllique avec des parents qui s'aimaient tellement d'ailleurs que. Qu'ils en sont morts. Non mais ça c'est pareil. Ça pour le coup, je trouve ça un peu facile. Tu sais, genre, ok, il a une vie méga glauque parce qu'il est orphelin, il est à Tokyo. Enfin, le mec, il se crée lui-même sa propre glauquerie. Mais genre ses parents, c'était les parents modèles. La daronne, elle est magnifique, ouais. Elle est trop belle. Tu vois, c'est vraiment le truc. Je veux bien admettre que tu sois que des bonnes choses, mais là, genre, c'est vraiment extrême l'enfance qu'ils ont. Au début, il est pas trop en vrac quand il arrive à Tokyo. Hein. C'est quand il essaye de faire venir sa sœur. Non, bah non, puisque au début, il trempe pas dans les histoires de drogue ni rien, ni enfin. Bah, il bosse pas, il fait rien, donc il doit pas non plus. Bah, il a pas de thunes, mais il est pas encore au bord du gouffre, quoi. Ouais. Quand t'as pas de thunes, tu fais quoi à Tokyo? Parce qu'en plus, ça, là, enfin. De toute façon, t'as deux solutions quand t'as pas de thunes à Tokyo. Soit tu veux bosser dans un club de strip, soit tu vends de l'ado. C'est ce qu'il a essayé de faire au début. Ils l'ont pas appris. Le string lui allait pas bien, du coup. Donc, effectivement, là, on a un petit spot pour la sécurité routière un peu hardcore, là, où. Alors, quand même, à noter, parce que si tu regardes cette scène dans le détail, c'est quand même très surprenant, puisqu'en fait, ils sont dans un tunnel à sens unique et il y a un camion qui arrive dans en sens inverse. Ouais, un petit point code, hein. Un point code de la route, Mickaël. Bah voilà, soit c'est le camion de duel de Spielberg. Et non, mais il va faire un Hunter the Void 2 sur le mec qui conduit le camion qui était camé. Parce que là, non mais oui, ça a aucun sens. Puis c'est pareil, enfin, faudrait montrer un monospace où les deux conducteurs qui sont des adultes meurent sur le coup, déchiquetés, et les deux gamins à l'arrière n'ont absolument rien, quoi. Je pense que pour le coup, c'est plutôt une image, quoi. Bon, c'est un accident. Prend, quoi. Connard. Après, que ça arrive en contresens, ça, c'est vraiment du détail. Je pense que vraiment, en fait, l'idée, on l'a. Il y a un accident qui est vraiment dur à vivre pour les enfants. Un trauma. Est-ce qu'on peut appeler ça un trauma, professeur? Un trauma, il n'y a pas de problème. Hein. On peut appeler ça un trauma. Et bon, après, qu'il soit à contresens, je pense pas qu'il faille le prendre vraiment en un vrai contresens. Ou alors, peut-être comme une allégorie du contresens. Du contresens de la vie de ces jeunes gens. Tu prends combien la consultation. Ouais, c'est gratos. Ouais. En tout cas pour celle-là. Ensuite, les deux petits de 7 ans, ils vont faire un pacte du sang. Ouais, mais ça se fait souvent chez les enfants de 7 ans. Ça, quand deux petits de 7 ans font ça, surtout que la gamine, lui en plus, c'est lui qui lui coupe le doigt, hein, d'ailleurs. Non, mais il lui éclate le pouce. Bah, je connais aucun petit qui ferait pas genre, on fait un pacte du sang. Ouais, surtout en même temps, faire un pacte du sang avec quelqu'un qui a déjà le même sang que toi, et ça n'a plus trop d'intérêt non plus. Ouais, c'est bon, en même temps, faire un pack du sang, ça sert à rien. Tu vois, oui, tu peux choper le DAS, ou faire des trucs comme ça. C'est hyper pratique pour choper des maladies. D'ailleurs, on peut le dire aux auditeurs qu'ici, on a tous fait un pacte de sang sur 2 heures de perdu. Hein. Mmh. On partage. Je te remercie, Greg, pour le chlamydia, d'ailleurs. Et alors, ensuite, on retourne. Là, on est téléporté directement à Tokyo avec l'arrivée de notre ami. Qui n'est pas encore camé, mais alors je sais pas ce qu'il fout, parce que il est orphelin, il a pas un rond, il décide d'aller dans la ville la plus chère du monde où il ne parle pas la langue. Quel est ton projet? C'est Erasmus. Bah, c'est un projet Erasmus. Non, mais il fait rien. Enfin, j'ai un moment. C'est quoi les bails? Ouais, je pense qu'il veut vraiment vivre des expériences fortes, quoi. Quitte à galérer, pas mal. Ah, c'est sûr que là, ils ont un prix. Hein, au moins, il est servi. Là. Alors, il va rencontrer effectivement un mec de 13 ans qui va devenir son meilleur pote. Il va automatiquement se taper sa daronne. Ouais. Oui. Ça, c'est classique. Mmh. Hein. J'aimerais qu'on fasse un point sur les yeux des femmes dans ce film. Pourquoi tu me regardes? Les yeux, les gros yeux, là. Ah oui, les gros yeux. Comme dans San Andreas. Parce que Gaspar Noé se fait pas chier quand il choisit ses actrices. Hein. Elles ont toutes des nibards incroyables. Quoi. Des gros yeux, tu veux dire. Pardon. Oui, c'est vrai qu'elles ont des yeux magnifiques. Et alors, elles sont tout le temps à Walp. Je pense qu'on pourrait, je pourrais interroger. Elles ont rarement des lunettes, quoi. Donc je pourrais interroger le professeur, mais il y a un gros truc sur les tétons aussi dans ce film, n'est-ce pas? Oui, c'est la représentation de la mère. De Tony. De l'Allemagne. Et donc voilà. La daronne, gogo danseuse, qui est pas mal aussi. Et l'actrice principale, qui est magnifique. Et même la mère des enfants, fallait qu'elle prenne un bain avec eux, et on la voit à poil. Ouais. Non, mais c'est le premier Gaspar Noé que tu vois, mais ils sont toujours à Walpé. Hein. Oh, mais il faut vraiment que je prenne les autres. Alors, il faut savoir, regarde bien les scènes dans l'extérieur, mais tous les passantes sont à poil aussi. Ouais. Mais seulement si tu prends de la DMT. Hein. Alors là, pendant une heure de film, on a le droit à un peu une vue subjective, mais en de dos. C'est comme une vue à la troisième personne de l'acteur principal, on va le suivre un peu. C'est la seule fois que mon jeu vidéo a marché. J'ai appuyé sur le bouton, c'était plus la même vue. Ce qui est marrant, c'est qu'il a un peu des oreilles décollées. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à Dewey. C'est à Dewey de Malcolm. Et alors là, justement, je voulais le faire. C'est le point fête et le point baise dans ce film. C'est-à-dire que le gars, il arrive à Tokyo, il parle pas la langue, il a pas de boulot, il est orphelin, il a rien. Mais c'est quand même un mec qui va s'envoyer que des putains de teufs, que des putains de nanas. Genre, il y a aucun pépin. Des putains de nanas, à part la mère. À un moment, il va en boîte, ouais. Il se tape la première jappe sans trop se faire chier. Je pense que quand t'es européen au Japon, c'est plus facile que si t'es japonais au Japon. Non, mais en plus, à ce moment-là du film, il est pas censé dealer. Et genre, il a un appart, il a un truc. Mais comment tu fais? Enfin, en gros, Erasmus, tu déposes un dossier de logement et puis il trouve un logement. Ben ça, c'est pareil. Il est boursier. Il est à l'étranger. S'il a perdu ses parents. Non, mais je pense qu'il y a. En plus, quand t'es orphelin, la bourse, je peux dire qu'elle tombe. Non, mais pour. Ah, c'est jackpot, là. Ça fait gagner des points dans le dossier. Ça, c'est Puntos, les parents, moi. Non, mais je pense qu'il y a un truc. Pour le scénario, il fallait orphelin et tout. Mais je pense qu'il s'en rend pas compte, mais la vie qu'il est en train de montrer, c'est quand même un gosse de riche, ouais, qui sombre dans la drogue. Mais ouais, en vrai, ouais, un pauvre, il sombre pas comme ça dans la drogue. Un pauvre, il dort dans un carton, il se fait deux shoots d'héroïne et il meurt. Mais il va pas à Tokyo en train de s'envoyer de la DMT et trop triper et se poser un million de questions sur sa vie, parce que ça, c'est vraiment un délire de gosse de riche. Alors, pour le coup, on peut poser la sociologie selon Antoine. Mais c'est ça. On peut poser. Je pense qu'il a sans doute vécu ça, mais il devait sans doute avoir des parents blindards, quoi. C'est tout. On peut poser la même question sur le dealer qui est anglais ou américain aussi et qui est à Tokyo et qui est là en train de se déboîter et qui vend de la dope comme ça. Il est glauque, lui. Le dealer. Ah, t'as trouvé. Il faut casser la gueule. Il avait l'air sympa, ce mec-là. C'est pareil, le mec, comment il arrive là, il dit oh, je vais faire carrière dans la dope à Tokyo, j'arrive, je suis complètement déglingue, je vais me prendre un petit appart et je parle pas de tes dopes. Comment japonais, il fait ses deals en fait, quoi, tu vois. Genre, il fait ses deals avec les japonais, il doit se faire 40 tout le temps, tu sais. Ouais, donc là, il me faut 500 grammes de coke, bam. Mais en plus, le mec, il est tout le temps fonce-carte, tu sais, il compte les yens, il fait putain, merde, attends, c'est combien en dollars ça? Ça fait combien? Ouais, mais je me suis fait niquer. Vas-y, je vais prendre un coup de DMT, ça va me calmer là. Et ouais, bah après il continue à flotter. Kaléidoscope, flottage, kaléidoscope, flottage. Et là, du coup, bonne nouvelle, il a assez d'argent pour faire venir sa sœur qui était orphelin, orpheline, ouais. On ne sait pas où, et elle, ouais, peut enfin le rejoindre. Et je trouve qu'ils comprends qu'ils ont été séparés quand ils étaient gamins, quand leur grand-mère était malade, non? Enfin, il n'y a pas un bail comme ça où ils veulent se retrouver. Hein. Ouais. Ça, c'est assez marrant parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette scène. C'est assez bien fait, une petite préparation paiement, mais qui a duré une seconde, parce que on voit la petite fille qui dit grand-mère, on restera chez toi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu meurs. Elle dit vraiment ça. Et le préparation. Et le plan d'après, genre sous-entendu, on voit la grand-mère dans le fauteuil en train de clamser, et du coup il y a l'assistante sociale qui va chercher les enfants. Les enfants, ils ont pas vieilli d'une semaine. Pour moi, c'est genre en gros, le jour où elle dit ça, le lendemain la grand-mère elle pour moi, il y avait bad cut, tu vois. Pour moi, ça se passait oui, comme si la grand-mère elle lui mentait, quoi, enfin, et que ouais, c'était pour la calmer. Wow. Elle a l'œil, hein, la petite. Elle a l'œil. Elle a l'œil. Et donc, moi, je trouve qu'ils sont assez libérés avec sa sœur, là. Je sais pas si t'as remarqué, mais ils dorment à poil, elle lui galoche l'oreille. Elle lui galoche l'oreille pas mal, ouais. Je pense, mais c'est pas si. C'est pour ça que je confirme ma théorie du il rentre dans le corps de Mario pour la baiser à un moment. Ah oui, non, mais c'est clair et net qu'il y a une tension sexuelle entre les deux. C'est incestueux, ouais, c'est vrai. T'en penses quoi, toi, psychologue Greg? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, l'inceste, pour une société occidentale comme la nôtre, projetée au Japon? Là, ça va être difficile de vous faire ça en une seconde. Et gratuitement. Prochain épisode, je vous fais un détail complet, hein. Et alors, là, il emmène sa sœur en teuf. Ça me ferait chier que ma sœur elle fasse ça. Hein. Elle s'envoie toutes les drogues et elle s'envoie. Mais c'est lui qui la drogue en plus. Pour oui. Ouais, tous les manos. Non, partez pas. Bye, bye. c'est vrai qu'il a pas de problème à inciter tout le monde à prendre de la drogue, parce qu'il quand il se retrouve avec la japonaise sur sur le balcon, il lui fait tu prends la drogue, non j'ai jamais touché, par contre j'ai déjà bu de l'alcool. Vas-y, c'était bon, prendre la DMT maintenant. Tu vois, t'as déjà bu un martini, mais c'est tout pareil. DMT, martini, il y a des lettres en commun en plus. Mets pas l'olive dedans par contre. Hein. Tiens, mets ce petit papier sous ta langue, c'est comme un martini. Et alors là, sa sœur, elle est vraiment forte. Moi, ça m'est jamais arrivé de partir en soirée et de revenir en ayant trouvé du boulot. Ça y est, elle est balèze. Ouais. Elle est balèze, elle sort, elle s'envoie toutes les drogues, elle revient, elle a trouvé du travail. Elle est gogo danseuse. C'est fulgurant. Elle, son arrivée, c'est un peu une success story. Hein, bah, elle, franchement, t'as vu comment elle danse dans la boîte de nuit, très clairement. C'est assez facile de gagner du taf. Enfin, quand tu démontres tes qualités de gogo danseuse comme ça. Quoi. Bah, moi, quand je danse comme ça, il se passe rien. Enfin, si je me fais dire. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? C'est dégueulasse. Ensuite, il va y avoir une. Il y a des froufrous partout. Ensuite, il va y avoir une domination par Mario. Alors Mario, c'est le japonais qui se tape sa sœur. Et notre protagoniste, je sais plus comment il s'appelle. Bah, ça va le... Oscar. Oscar. Tu l'as imaginé en plongée? Je l'imagine en collant. Antoine en train de danser sur une barre de lap dance. Depuis tout à l'heure. Ah bah ouais. Écoute, ça va, j'ai le droit de fantasmer aussi. Bah, c'est difficile de l'enchaîner quand je sais que tu penses à ça. Écoute, hein, ça me gêne, on joue une fois par semaine. Et alors là, ça va déraper. Ça, le film là va déraper. Hein. Pour moi, il est juste en train de voler, donc que ça dérape ou pas, je sais pas. Ça dérape quand tu fais encore les flashbacks. Bah, le mec de 13 ans, il va se vénère contre Oscar en disant quoi, t'as couché avec ma mère. T'as baisé ma mère. Et il va le trahir. Et là, on revient au début du film. Voilà. Ouais. La boucle est bouclée. Tu fais bien la boucle avec ton doigt. Si on... Oui, vous voyez pas, mais c'est un flashback et du coup, bah après, et on revient sur la scène de mort. Et là, à ce moment-là, j'ai fait putain, c'est pas mal. Là, il va y avoir le générique de fin et j'ai fait c'est mortel. Et là, pas du tout, puisque là, on a le droit à encore une heure de film. Ouais. Avec de nouveau la mort. Avec de nouveau la mort. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a pas mal de l'esprit s'envole. Il faut savoir que quand tu meurs, ton esprit devient un drone, hein, donc tu t'envoles et puis tu te balades un peu partout dans la ville. Et puis ça fait. Ah, encore avec qui mort. On a rentré dans les trous et dans les orifices aussi. Ouais, rentre dans tous les trous. Il rentre dans tous les trous, effectivement. Dans son propre trou de balle. Oui, de balle, c'est le cas de le dire. De balle, de pistolet, hein, j'entends bien. Ouais. Et après, bah, dans des orifices plus ou moins. Et on réapparaît. Il y a son pote qui du coup se planque parce qu'il est mouillé dans l'histoire, donc il dort sous un pont pendant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort sous un pot pendant des jours. Et lui, c'est pareil. Ça. Bah, mec, va à l'ambassade. Si tu fais la. Pourquoi il marche dans la rue à crever en. Mais sur le film, combien lui, en plus, à qui il fait? Il a rien fait. Clairement, c'est un Japon qui ressemble plutôt à genre des vieilles rues de Bangkok dans les années 60, quoi. Enfin, t'as l'impression que c'est la mafia qui règne, alors qu'en fait, c'est Tokyo. Enfin, c'est une ville quand même. T'es jamais allé à Tokyo. Alors, toi aussi. Détrompe-toi. Tokyo, tu sors de l'aéroport, c'est un coupe-gorge. C'est hyper safe, c'est une des villes. Non, mais en gros, c'est vrai que lui, il est pour rien pour le coup. Tu vois, il a rien sur lui. Après, l'on se saunit. Mais lui il est camé. Qu'est-ce que je te dis? Il est en train de faire son trip tout seul. Ah ouais, dans la rue, c'est un autre trip, lui. Lui, il est jamais redescendu. On a le droit à un avortement. C'est assez glauque. C'est très glauque. Ouais, c'est assez glauque. Ouais. Avec un gros plan sur un tout petit fœtus. Ça m'a fait rigoler. Parce que c'est peut-être la première résurrection avortée du coup du personnage. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Professeur Greg. Non, mais moi je l'ai pris comme ça. Genre, tu sais qu'il s'approche du truc et puis tu te dis, ah bah tiens, je vais me foutre là. Là, il y a une petite âme, là, il n'y a pas encore d'âme, je vais y aller. Et bah, en fait, sans pas si de bol. Si c'est lui qui a baisé sa sœur le soir de sa mort dans le corps de Mario, très clairement. Oui. Moi, en fait, c'est un truc qui me gêne avec toute la fin là, c'est que, en gros, l'âme elle va se balader de scène en scène. Et à chaque fois, l'âme elle traverse Tokyo. Donc ça, tu dis la chanteuse ça... C'est un peu à vol d'oiseau, donc c'est la caméra qui filme le sol, et puis elle se soulève un peu, elle se déplace dans Tokyo, elle arrive dans une autre pièce où on voit une autre scène et tout. Le problème, c'est que ces transitions durent 3 minutes et que les scènes durent 20 secondes. Et au bout d'un moment, c'est trop chiant, parce que je me suis dit, bah, j'en ai marre de voir Tokyo en 3D, là, ça commence un peu à me... Après, t'as du cul, contemplatif, ouais. Donc après, alors, on n'est pas déçu, parce qu'il y a effectivement du cul. Tu as ta récompense. Mais alors avant, le gamin de 13 ans, là, il vient voir la sœur d'Oscar. Pour s'excuser, elle est pas réceptive, hein. Elle est pas dans le pardon. Hein. Tu sais comment tu pourrais te rendre utile? parlant de suicider. Oui. C'est comme ça que tu pourras te rendre utile. En allant te suicider. Non, c'est pas vrai. Tu penses pas ce que tu dis. Si, je pense. Tu comprends pas, c'est... D'accord, c'est peut-être à cause de moi, mais je suis pas le seul responsable. Pour moi et c'est... Oscar, va te suicider. Fous-toi en l'air. Arrête, tu comprends pas. Fous-toi en l'air. Attends, Oscar a commencé à dealer parce que tu t'es mise à traîner avec des mecs chelous dégueulasses. Je pouvais pas. Attends, tu te fous de ma gueule, c'est à cause de moi? C'est de ma faute s'il est mort? Espèce de sale petit con, va tire-toi, putain! Pars-toi de chez moi! Je te hais, ordure! Je te hais, ordure! C'est bien, tu nous mets des extraits qui donnent la gouache, Antoine, là. C'est, Ouais, bah, j'avais choisi cet extrait parce que je trouvais que le garçon était un peu en doublage 2000. Ouais. Oui. Ouais, je trouve ça va encore, hein. Franchement, non, ça va. Il y a un doublage 2000 sur ce film. La fille, ça va, mais le doublage, grosso merdo, il est pas exceptionnel. Il est tout pourri, tu peux le dire. Moi, je l'ai vu en VF, le doublage. Tu l'as vu en VF? Ouais, moi aussi, j'ai vu en VF. Ah putain, quelle merde. Je le regarderai probablement la prochaine fois. Après, sur la fin du film, il y a tout un truc avec un réveil, un rêve, il y a un nervous breakdown, il y a un espèce de truc, il y a le rêve de la meuf, rien du tout. Et surtout, il va. Le fils, d'ailleurs, de 13 ans, là, se fait renier par ses parents pour avoir balancé son pote, quoi. Enfin, très clairement. Qui couchait avec sa mère, enfin, tu vois, genre, c'est tout à fait normal. Gros soutien familial. Là, pour le coup, la famille, je pense qu'elle a un pépin. Ensuite, on a le droit à une scène de 6 minutes où on survole une maquette de Tokyo en 3D. Ouais, avec des néons partout, là. Ouais, la même qu'au début. C'est un peu Beetlejuice, ça, je trouvais ça pas mal, mais un peu long. Et alors, la fin, ma scène préférée. Ah oui. Le Love Hotel, ou comment découvrir la vie sexuelle des Japonais. C'est très intéressant. Alors déjà, il faut savoir que les Japonais font tous l'amour à la même heure. Oui, et tous ensemble. Parce qu'en fait, ils naviguent de chambre en chambre, et à chaque chambre, il y a un couple. Mais c'est le Love Hotel. Oui, non, mais d'accord, mais bon, à un moment donné, c'est le Love Hotel, Mickaël. Tu peux quand même tomber sur. C'est pas le Novotel, hein, c'est le Love Hotel. C'est pas. Mickaël. Là. Non, il y a un moment donné, moi, je m'attendais quand même à tomber sur un mec qui regarde la télé, quoi, dans une des chambres. Ouais, j'aime bien un peu ça, c'est un peu cool parce que tu sais, il voit les énergies sexuelles. Les énergies du kiki. Tu peux ouais, le dire. Il se dit, c'est bientôt ma prochaine vie, il faut que je repère un petit peu les énergies, c'est en survie. Il va falloir que je rentre là pour me réincarner. Sexes lumineux. Alors moi, tout au début, j'ai cru que en fait le mec utilisait un. Un rayon X, qu'on disait un God Michel lumineux, en fait. J'ai cru que c'était ça. Bah, en fait, c'est-à-dire. Et après ça, à chaque fois, je voyais que ça faisait de la lumière. C'est bizarre et que tu penses à ça directement, toi. Bah, je sais pas, le gars, il. Bah, surtout. Bah, je sais pas. Non, mais j'en ai jamais utilisé, hein, je te jure. Ouais, je sais pas ce que c'est, moi. J'ai jamais fait. Qu'est-ce que tu aurais fait? Bah. Ceci dit, si ça commence à fumer, il y a du souci à se faire. C'est que le God Michel, il est quand même en panne, parce qu'il y a de la fumée qui sort. Ah bon? Mon petit père. Si t'étais observateur, ouais, tu c'est de la lumière qui coule un petit peu, quoi. Non, mais moi j'ai trouvé ça un peu cool. De la lumière. Alors c'était un peu mystique. C'est vrai qu'il y a du coït dans toutes les pièces. J'ai trouvé ça assez long encore. Enfin, il y a un moment où tu vois, on a un peu compris. Ça dure vraiment 10 minutes. C'est limite de la provocation, quoi. C'est Gaspard Noé. De toute façon, Gaspard Noé, s'il y a une critique à faire sur tous ces films, c'est bon, bah c'est bon, là on a compris, là ils sont à poil, ok, bon bah c'est bon, on a compris, mais il insiste toujours à mort, quoi. Parce qu'il est défoncé, en fait. Moi je vous ai trouvé le secret Lenin. Peut-être. Et alors à la fin, on a le droit. Vraiment le dernier plan en 3D un peu t'as taille moustillée ou ouais quelqu'un explique ce que c'est. Bah Julie explique nous ce que c'est. Explique nous le dernier plan. C'est un plan à l'intérieur d'un vagin où tu vois entrer un phallus et faire des va-et-vient, n'est-ce pas ça Antoine, confirme mon propos. C'est ça, ouais. Mickaël, tu confirmes? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Greg, tu confirmes? Ouais, je me rappelais plus, mais oui, c'est ça. Et alors, à la fin, ça enchaîne directement sur l'introduction d'Allô Maman Ici Bébé, puisque on a la... je m'attendais à la voix de Daniel Auteuil qui fait hey, attention! We're getting around. Alors, moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle, qui me pose question dans cette histoire, c'est que, au final, n'importe qui peut se réincarner dans n'importe quoi. C'est-à-dire que. S'il y a le l'âme d'Adolf Hitler qui traîne pendant que t'es en train de faire l'amour, tu peux retrouver qu'un gamin qui a l'âme d'Adolf Hitler. Non, mais regardez, c'est une fiction. Après, ça, c'est pas prouvé. Hein. C'est non, c'est ce qu'il dit. Mais... C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est vrai. Parce que moi, mon gamin, le premier mot qu'il a dit, c'était pas papa, c'était oh ma biche, ma biche, ma biche. Je me demande si c'est pas la réincarnation de Louis de Funès. Quand même. Bah voilà, moi j'ai trouvé ça pas mal et un peu chiant. Je le reverrai peut-être si un jour je reprends de la drogue, mais pour l'instant c'est pas prévu. Bah des intox ça avance bien du coup. Là le docteur Hébert m'a dit que j'ai fait pas mal de progrès. Je pense que je vais pas rechuter pour ce film. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à ajouter? Non. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors, 5 commentaires, 5 étoiles sur Enter the Void. Et on commence par SilGG. Attends, mais t'as pas trouvé de 0 étoile, et pourtant il y a plein de gens qui comprennent pas, il y a rien, non ? Ah, si, non, mais les 5 étoiles, il y avait déjà de la matière, hein, ah, d'accord. Tu vas voir. Alors, il dit, sans aucun doute, l'œuvre cinématographique la plus importante depuis l'arrivée en train en gare de la Ciotat. C'est vrai qu'entre les deux, il n'y a rien. Hein. Bah, moi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment un vide. Le 21e siècle, c'est vraiment du vide. Il y avait le train en gare de la Ciotat, ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est le train qui arrive, là, ça, c'est un chef-d'œuvre. C'était bien, et après ça, il y avait le truc avec les drogues, là, qui était pas mal. On continue avec Marc Bouana, qui titre « Quel putain de film !» Complètement dingue ce film, ça démarre en psychédélique. Le jeune est en acide et fume du DMT. Connais pas. connais pas, mais les images montrées sont subliminales. À un moment dans le film, son copain lui dit « Tu veux te cramer le cerveau ?»« Eh, c'est sûrement fait car ça s'arrête pas. Acide, ecstasy, sniff, tout y passe. » En fait, ce film, c'est du cul de la défonce, mélangé à des scènes intéressantes de deal ou de boîtes de nuit et des filles dénudées. Lui, je pense qu'il a vraiment apprécié le film à sa juste mesure. J'imagine. Ouais. La fin, 40 minutes trop longue, insupportable, mais captivante. Et quand même dure à regarder, mais ce ne sont que des scènes de cul et des rajouts du futur. Ouf, quel putain de film. Unique en son genre, mais réservé à un public averti. Il est bien ce gars, je connaissais pas savoir en plus. Des rajouts du futur. Mais attendez, ces rajouts viennent du futur, Marty. N'importe quoi. Ensuite, on a Lucille T qui doit être, qui a la tête sur les épaules, qui dit « Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone d'espace. Je suis le vide qui absorbe la substance et m'approche des points chauds et lumineux. 5 étoiles. » Il donne vraiment envie de regarder le film. On a Max Le Guetteur qui, en fait, qui commence très bizarrement par une pipe. je comprends pas. Mais c'est Jean-Claude Adjectif, en fait. Voilà, je cherchais son nom. C'est la DMT ? Oui. Je te le dis, moi, si tu comprends pas. D'accord. Bon, écoute. C'est donc Jean-Claude Adjectif qui prend un pseudo et qui nous dit « La huitième merveille, une œuvre d'art complète et une œuvre d'art, une vraie œuvre d'art, visuelle, sensuelle, sexuelle. » Intense, hallucinatoire, profonde, travaillée, réfléchie, complexe, particulière, originale, divin, mortelle, vivante, hypnotique, prenante, entraînante, sombre, claire, magistrale, fabuleuse, fantastique, merveilleuse, Tokyo et ultime, 5 étoiles. Tokyo. Ah, je te trouve drôlement Tokyo, Julio. Il y va fort avec les derniers adjectifs quand même. Et enfin, on a Gare 25 qui est Wawash 2000 ou Massif 2000, pour reprendre les termes de Greg. Yes. D'abord, quel un soulagement. Pardon. J'ai un big up d'ailleurs à tous les massifs. Ah, qui bah oui, bien sûr. De long. Ouais. D'abord, quel soulagement de voir que 25% des critiques spectateurs sur ce site attribuent 5 étoiles à Enter the Void. Il y a donc encore un peu de place pour l'expérimentation au cinéma. Pour pouvoir vraiment apprécier ce film, je pense qu'il faut deux conditions préalables. Connaître un moins vaguement le livre tibétain des morts et avoir déjà fait au moins un trip psychotique. Yes, papa. C'est normal que ceux qui sont complètement étrangers à cet univers considèrent le film comme de la merde. Pour les autres, c'est un chef-d'œuvre. C'est visuellement rafraîchissant malgré quelques longueurs. On reconnaît très bien la prétention du massif, quoi. Oui. Gaspard Noé livre en fait une interprétation magistrale du karma, d'un mauvais karma pour le coup, et du livre tibétain des morts. Donc oui, le réalisateur a quelque chose à dire, mais ça ne parle pas forcément à nos codes de mentalité, à ne regarder qu'en connaissance de cause, entre parenthèses bouddhisme tibétain, plus expérience de drogue passée, ou alors avec un esprit très très ouvert. 5 étoiles, frère. Yes, I'm massive. Je trouve que c'est un immense connard, ce mec. Elle est mortelle, cette musique. Hein. Ah, elle est pas mal. Hein. Vas-y, monte un peu. Alors, si vous attendez une mélodie, elle va pas venir. Hein. Ça s'arrête là. Avec l'image, c'est mieux, en plus. Voilà, c'était notre avis sur le film Enter the Void. Envoyez-nous vos enregistrements pour le concours qui est toujours ouvert. Ah oui. Vous voulez participer à 2 heures de perdu avec nous pour parler de votre film, à cette même table, vous nous envoyez un extrait audio de moins d'une minute. Enfin, vous avez toutes les modalités sur 2HDP.fr. Et si vous gagnez le concours, vous serez avec nous. Ce sera génial. Oui. On rira et on jouera. Il m'éclate la gueule, cette musique. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Big It. La semaine prochaine. Elle est exactement dans le même registre, d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'est un peu pareil. Ouais. Allez, à la bye bye. Prochaine. Ciao.